Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 168e émission de Rock de Neurone sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons pour l'album de la semaine la nouveauté de Eloy, et après nous aurons Playing the History, ça c'est d'Italie, et nous aurons Prima Mundi, aussi d'Italie, et d'Espagne, Canfreud Kafka, de Suède, Montgolfière, des États-Unis, Genetics, d'Angleterre, It, d'Argentine, Bad Dreams, et d'Allemagne, The King of Agogic. Alors pour l'album de la semaine, j'ai parlé de Eloy. Eloy qui nous revient avec un 19e album studio. On connaît leur début de carrière en 1971 et... ils ont une trilogie d'albums dans les années 70, dont Ocean, qui est un classique. Alors, Frank Borman nous revient à 72 ans avec ce 19e album studio. Et c'est un album qui comprend 13 pièces consacrées à la vie de Jeanne d'Arc. Alors, on parle d'un album concept. Et c'est la partie 1, donc ça augure pour une deuxième partie. Alors, je vais vous présenter quatre extraits de cet album-là. Le premier, c'est The Call. Ensuite, ça sera Shinon. Ensuite, nous aurons The Sword, The Dawning of the Unavoidable et Les Tourelles. Alors, on débute ça avec Eloy. Strange vibration fill the air. Before her eyes, an angelical appearance, surrounded by a magic light. Caught and mesmerized by a wondrous sight, she asked herself, is it all real? Message from the higher sphere, saying don't be afraid, you've been chosen to fight, guided by celestial advice. Destined to end all torture and pain, don't hesitate. A native made of Lorraine, disregarding all danger, only fears to remain, the heavenly order to turn a fate. A battle fields of war. Imperative instructions echoing inside, belief dispels again. Vocational assignment and courage she obeys. Her trust in God is guiding her way. A solemn blaze by this heavenly call, she carries on. We'll be right back. surrounded by a radiant light. Then I saw the shape of an angel. He spoke softly but commandingly and revealed to me a mission from God. He said that I had been chosen to go with the army to expel the enemy from our suffering country. He demanded that I first liberate the besieged city of Orléans and lead our Dauphin Charles to Reims to be crowned and consecrated, that he might receive his rightful inheritance as king. He dispersed any fears I had at first by saying that I would be directed by angels from now on and I should trust in God. I vowed to remain a virgin for the fulfillment of my task and entrusted myself to the command of the angels. I know they will guide me safely. Thank you. festive mood dies down. As Jean enters the room of celebration, no noise is breaking the silence. Why the Virgin of Lorraine glides across the room. Only the crackle of the fireplace is still audible, and anticipation fills the air. Instead of the Dauphin Charles, who observes the scene from amidst the crowd of his courtiers, the Duke of Clermont has taken his place on the throne to welcome her. They prepare the deceased to find her, if she is really guided by God. The tension grows with every step. The Duke requests a desire, but instead of answering him, she turns away. Silently crossing the throne, her vivid eyes roaming the congregation, her step full of purpose, she approaches a group by the fireplace, gathered around the Dauphin. A whispered murmur rises in the room. A collective exclamation of amazement breaks the silence as Jean finally kneels in front of the throne. Lay me down. shall fight, and God will give us our victory. Married in space pave the ground. Weapons now collide, I'm in the raging battle. Fight a sudden bitter sight, injured by a dark jungle's all paralyzed. We see her falling to the ground, bleeding from her shoulder by a hostile arrow. Force majeure. attack. Finally we defeat them. All in all, it's free. Alors, ce qu'on a entendu, c'est Eloy d'Allemagne avec quatre extraits de leur plus récent album The Vision, The Sword and the Pyre, Part 1. Ça, c'est un album concept sur la vie de Jeanne d'Arc. Alors, la pièce que vous venez d'entendre, c'est Les Tourelles. Ça a été précédé de The Sword, de Chinon et The Call. Après la pause, Playing the History, Plurima Mundi et Kent Freud, Kafka. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va poursuivre avec un groupe italien. En fait, c'est un groupe qui tourne autour d'un musicien italien. Je parle de Playing the History. C'est un musicien claviériste. En fait, il joue de l'orgue à tuyau, de l'orgue d'église. Il est familier avec le grand piano et le mellotron. Son nom, c'est Marco Lomuccio. Et il fait différents projets. Et il s'entoure, il invite des musiciens. Puis dans le cas présent, ben, on aura Steve Hackett de Genesis et David Jackson, le saxophoniste de Van der Graaf Generator. Et le projet auquel ils ont collaboré, c'est Decameron. Decameron, c'est une compilation de, en fait, trois coffrets de quatre CD. Et celui qu'on va entendre, ben, c'est le deuxième coffret qui est paru en 2014. Et... Decameron, en fait, c'est des projets de compilation de pièces. En fait, c'est des pièces nouvelles qui n'apparaissent pas sur les autres disques des artistes en général. Alors ici, on va entendre la pièce Nostagio degli Onesti, qui est, comme je vous le disais, extrait du Decameron, le deuxième coffret. Et on va poursuivre avec Plurima Mundi, un nouveau groupe italien, en fait, nouveau groupe, disons qu'ils ont un album, mini-album en 2009. Ils viennent de sortir un album un petit peu plus étoffé. En fait, c'est 40 minutes, c'est quand même pas très long. L'album s'intitule Percosi et on va entendre El tu per sempre. Et on va conclure avec Kent Freud Kafka. Ça, c'est un groupe de musiciens espagnols. Qui ont fait paraître leur deuxième album au printemps. L'album s'intitule Onirico et on va entendre l'extrait Insomnio de una noche de verano. Alors, on débute ça avec Playing the History. Thank you. per me non saprai mai. Nella notte tu respiri forte dentro me, spighe d'oro fra i sospiri spenti accende.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on poursuit avec une nouveauté d'un groupe suédois. Le groupe se nomme Montgolfière et ils viennent de faire paraître leur deuxième album qui s'intitule The Fall. Et on va entendre la pièce extraite de cet album-là, The Search. Et ça va, on va suivre ça avec une nouveauté aussi américaine, le groupe Genetics, qui fait paraître leur deuxième album Beast Mountain. C'est un groupe qui existe depuis 2 ans. Et on va entendre Winter Winds. Et en fin de bloc, nous aurons Hit d'Angleterre et la pièce Voices. Et c'est extrait de We're All In This Together, paru le printemps passé. Alors on débute ça avec Montgolfière. We'll be right back. dreams have faded away, but his youthful ambition does not let him see the truth. Icarus, Icarus, I know you've heard my words, but I see they have not been understood. Thank you. sound of birds flying, swirling through air. Mountain peaks flourish, and from up there, things seem so small and not worth the fret. And from now on, I'll try not to let myself get brought down. From winter winds, and soon enough, spring will begin. got your voice inside my head, holding on to beliefs so strong. Got your voice inside my head. I got your voice inside my head. Maybe I'm mistaken. Soldiers for the taking, and now the family breaking. Soldier on, no, they can't be wrong. I got your voice inside my head. I got your voice inside my head. C'était d'Angleterre, la formation IT et la pièce Voices, et c'est extrait de leur dernier album We're All In This Together. Et ça a été précédé de la formation américaine Genetics et la pièce Winter Winds, et extrait de Beast Mountain. Et en début de bloc, nous avions de Suède, Montgolfière, et la pièce The Search, c'est tiré de l'album The Fall. Après la pause, Bad Dreams d'Argentine et King of Agogic d'Allemagne. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et on aura pour débuter la formation d'Argentine Bad Dreams. Qu'on a connu cette année avec un nouvel album, mais ils ont deux albums à leur actif. Le premier paru en 2015 et c'est la pièce titre de cet album-là que je vous propose, Apocalypse of the Mercy. Et ensuite, pour conclure l'émission, nous aurons d'Allemagne The King of Agogic. C'est un groupe avec des musiciens invités qui tournent autour d'un batteur. Le batteur, c'est du nom de Hans-Georg Schmidt. Et puis, il s'entoure de plusieurs musiciens. Il y a 5 albums studio. Et le dernier qui est paru en 2014. Et on va entendre une pièce tirée de cet album-là. L'album s'intitule Excel Beats. Et la pièce, c'est Thin as a Skin. Et c'est un clin d'œil à Thick as a Brick, en fait, c'est un jeu de mots. Et puis, on va entendre dans la pièce Thin as a Skin des extraits de Thick as a Brick. Alors, voici pour débuter Bad Dreams. I was born close to the edge of the rainbow, on the tide, down to the mountains of deep blue sea. Far away, all of the muses are calling to the dark, hanging around our destiny. I can fly over the raindrops and fallings, over the distance. nothing disturbs my eternity. Take me away from the angels of death. Low. Hunger and shadows are waiting. On the line, built in the fire with dying dreams. I must face all of the love that it's drowning. At the night, lost in the clouds of the falling skies, I could fly over the raindrops and fallings, over the distance that they will see, over the nights and the shades. I should pray. Bon, ben, ce qu'on vient d'entendre, c'est King of Agogic d'Allemagne avec un extrait de Exlex Beats. Je répète, Exlex Beats, paru en 2014. C'est le cinquième album de la formation. Et de façon assez évidente, là, on a eu une inspiration assez forte de Jethro Tull et de Thick as a Brick, dont on a entendu quelques extraits, des petites coquilles ici et là. Et ça a été précédé de la formation d'Argentine Bad Dreams et la pièce-titre de l'album Apocalypse of the Mercy. Et ça, c'est paru en 2015. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 168e émission de Rock de Neuron. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de 13h à 15h. Toujours, bien entendu, sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. De plus, l'émission est disponible sur Internet via SoundCloud. C'est un partage que vous pouvez entendre durant la semaine courante de l'émission qui a été diffusée. Et vous avez seulement à vous rendre sur SoundCloud et dans la barre de recherche, vous tapez Rock de Neuron et vous allez avoir l'émission de la semaine courante, comme j'ai dit tantôt. Et aussi, si vous voulez avoir toute l'information concernant les pièces, là, les albums, les artistes qui ont passé durant l'émission, bien, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neuron. Et sur cette page aussi, vous aurez les dernières chroniques que j'ai faites sur les albums, notamment le dernier, c'est His Project. Et c'est paru il y a quelques jours. Et on a eu auparavant d'autres groupes italiens. Et ça remonte à... Je pense que les chroniques sont disponibles depuis le janvier 2017. Aussi, sur cette page Facebook-là, vous allez avoir un site archive.org sur lequel vous trouverez une centaine d'émissions archivées de Rock de Neuron. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une belle semaine et vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neuron.